Voici votre bulletin régional. Le club FADOC de Whedon organise un déjeuner causerie le 7 novembre dès 8h30. La corporation Sport Loisirs Whedon organise un bingo le 7 novembre à 19h30 au centre communautaire de Whedon. 1 000 $ en prix. Le vaccin antigrippal sera offert le 7 novembre de 13h30 à 20h à la salle communautaire de Skate Corner. Une vente au profit de l'église Saint-Louis de Hastings aura lieu les 7 et 8 novembre de 9 à 16 heures au 166 rue Saint-Jean-Est et 185 rue Saint-Jacques. À vendre, petits meubles, décorations, articles de cuisine, literie, articles de sport, livres et plus. Au centre culturel de Whedon, dès 20 heures le 8 novembre, le groupe de musique traditionnelle, jusqu'aux petites heures, présentera son spectacle. Le vaccin antigrippal sera offert le 8 novembre de 9h30 à 16h au Centre communautaire de la Patrie. La cérémonie du jour du souvenir à Scottstown se déroulera le 8 novembre à 10h30 à l'Hôtel de Ville. Le même jour, Bury la célébrera à 14h au Armory Community Center. Le 4e Salon des artistes et artisans se déroulera le 9 novembre de 9h30 à 17h au Centre multifonctionnel de Skate Corner. À Hastings, la cérémonie du jour du souvenir se déroulera le 9 novembre. Elle débutera par une messe et se terminera au Cénotaphe.